Bon, alors les garçons, mon équipe avec moi, on se rassemble. Les garçons, tout le monde est là. Très bien. Bon, les garçons, je vous rappelle que nous sommes dans une boîte gay. Alors ici, on s'amuse, ok? On la joue pas cul serré. Surtout dans une boîte gay, ça la fout mal. Bon, David, viens là, David. Je te rappelle que ce soir, on inaugure les soirées Ouyouyouy, d'accord? Hein? Alors on a toute la clientèle du showbiz qui vient, ils sont tous branchés, tout ça. Donc là, David, tu me rappelles ce que c'est de ce côté-là? C'est le coin VIP, voilà, Very Important People. Tout ce qui est Very People, hop, tu me le mets au VIP. Hein? Quoi, Loana? Oh non, mais pas Loana, plus autant qu'avant. Non, non, Loana, tu me la mets là-bas, de l'autre côté, dans les moyens pi. Hein? Oh, mais attends, je dis n'importe quoi. Elle a fait 2 tentatives de suicide, elle est dans tous les journaux. Non, non, pour Loana, promotion, return to the VIP. Voilà. Quoi? Greg le millionnaire? Je sais plus qui c'est. Non, tu me le mets là-bas, dans les petits pi. Les pipis. Bon, quelle heure il est? 9h. Allez, c'est l'heure. Serge, à l'entrée, tu es prêt? On ouvre les portes. Alors, attention, les garçons, je vous rappelle le mot d'ordre de la soirée, de la classe et de la tenue. Oh, salut Marco! Salut, connasse. Tu m'appelles plus, salope. Alors, qu'est-ce qui se passe, Marco? T'es amoureuse? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu au Big Fuck. Alors, t'es amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je te vois tout à l'heure. Salut, Marco. Va t'amuser. Voilà. Oh, Jean-Paul! Salut, connasse. Tu m'appelles plus, salope. Alors, hein? Oh, bah, écoute, en ce moment, on est la boîte la plus branchée de Paris. On a toute la clientèle du showbiz. Tous les plus branchés, ils viennent. On a eu Bernard Montiel, Victoria Grossin de la Roue de la Fortune. Ils viennent tous. Hein? Allez, je te vois tout à l'heure. Salut, connasse. Salut, connasse. Christine Boutin. Non. Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Boutin? Mais qu'est-ce que vous faites là, Madame Boutin? Ah, non, j'ai compris. Non, non, Madame Boutin. Les Don Quichotte, c'est le trottoir d'en face. Voilà. Ici, ça serait plutôt les Don Capote, voyez. Jaco, salut, connasse. Hein? Voilà, allez, à tout à l'heure. Ouais. Quoi, salope? Qu'est-ce qu'il... Quel abruti, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le gros de l'incroyable fiancé? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, ça me déconcentre. T'es obligé de faire du montage, tu m'as déconcentré avec des connards. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le gros de l'incroyable fiancé? Mais il est pédé, Laurent Ournac, je savais pas. Hein? Isabelle Adjani? Oh, salut ma chérie! Comment tu vas? Ça va bien? Oh, bah tu ressors dans les boîtes, c'est génial. On va te revoir un petit peu alors. On va te revoir. Ah oui, t'as raison, ma Zaza, on a une musique très très branchée dans cette boîte. Alors, hein, allez, je te vois tout à l'heure. Excusez-nous, hein. Excusez-nous, il y en a un qui joue avec une crécelle, on ne sait pas ce que c'est. Alors, mais qu'est-ce qui se passe à l'entrée? Mais Serge, mais laisse-le rentrer, c'est pas un 9-3, c'est Kamel Wally de la Starac, t'es idiote ou quoi? Oh, salut Kamel. Tu vas bien? Oh, écoute, tu m'as encore fait vivre des émotions, toi, cette année, hein, avec ta comédie musicale. Allez, bah, je le dis tout le temps, hein, vive le groove! Voilà. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Alors, quoi? Mais David, mais va les aider au bar, tu vois bien qu'ils sont dans le jus! Eh ben oui, j'ai mis la vieille Antoine, elle transpire comme c'est pas permis, elle est plus étanche, la grosse. Mais non, j'ai pas le temps de m'occuper du nouveau serveur, tu vois bien que je suis charrette à l'entrée, là, alors. Hein? Quoi? C'est lui, là-bas? Elle est pas mal. Bonjour, moi, c'est le patron. C'est bien. T'as fait ton CV? C'est bien. T'as fait ton CO? Bah ton CO, ton coming out. Bah t'es quoi? T'es hétéro, t'es homo, t'es bi, t'es tri, je sais pas. Oh, écoute garçon, on est au troisième millénaire, hein. Si t'es pédé, t'es pédé, tu l'assumes et puis c'est tout. Hein? Ah, mon téléphone, attends, pardon, excuse-moi. Oh là là, c'est pas possible. Oui, bonsoir papa. Comment? Oui, non, je sais qu'il est tard, mais je suis encore au bureau, oui. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Quand on travaille aux directions humaines de chez Dassault, on ne compte pas ses heures, voilà, hein? Voilà, oui. Et oui, écoute papa, excuse-moi, il y a le directeur marketing qui s'en va, il faut que je le salue. Ne quitte pas, hein. Salut connasse. Tu vas bien? Voilà. Oui, non mais tu as raison papa, il faut assumer sa fonction. Hein? Voilà, écoute papa, je suis un peu occupé là, je te rappelle demain, d'accord? Voilà, allez, à demain, c'est ça, à demain, voilà, allez, À demain. Voilà. Allez. Salut, connasse. Salut, papa. Bravo. Oh là là là. Avec 10...